Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 41e émission, je me trouve aujourd'hui en Ariège, dans le sud-ouest de la France, dans une ferme située sur une colline en pleine nature, et je me trouve accompagné de deux militants d'égalité et réconciliation. L'un d'entre eux est un militant que vous connaissez probablement, il s'agit de Adolphe, caricaturiste bien connu et qui publie souvent des dessins dans la rubrique des dessins de la semaine, chaque dimanche, sur le site d'Égalité et Réconciliation. Adolphe qui s'appelle en réalité Nico. Nico, bonjour à toi. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, je me trouve également avec un militant, le chef de la section ariégeoise, Franck. Franck, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Chers auditeurs, alors sachez que le temps du jingle, nous avons dû nous déplacer car nous étions sous un magnifique sol pleureur dans le jardin de cette ferme et il s'est mis à pleuvoir, donc c'est un temps orageux. Peut-être entendrez-vous le vent et l'orage au cours de cette émission, donc c'est la nature. Alors Nico, oui. Tu es un historique d'égalité et réconciliation, tu oui. étais là pratiquement au tout début de la création de l'association. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, comment tu es entré à Égalité et Réconciliation? Alors comment je suis rentré à ER? En fait, j'ai suivi plus ou moins le parcours d'Alain Soral après l'avoir vu dans 2-3 émissions. Et ensuite, j'ai vraiment accroché et acheté les bouquins et lu ces bouquins quand il a pris parti pour Dieudonné. Derrière ça, donc, il a créé ER et j'ai suivi ça un petit peu de loin pendant un an. Et j'ai attendu donc un an avant d'adhérer à ER, parce que, enfin, pour voir si c'était un mouvement sérieux, si c'était juste un truc, un fan club ou autre chose. Donc quand j'ai vu que c'était sérieux, j'ai adhéré pour apporter ma main à l'édifice. Et alors justement, cette main que tu as apportée, c'était essentiellement, me semble-t-il, les vidéos, la publication sur les tout débuts du c'est site. C'est ça, ouais. Alors j'ai commencé en donnant un coup de main au responsable vidéo de l'époque. Puis il a dû se désengager, donc c'est moi qui ai pris la responsabilité de ce qu'on a appelé ensuite le pôle vidéo, qui consistait donc à faire essentiellement du montage. À partir de là, j'avais proposé l'idée qu'on fasse une vidéo tous les mois avec Alain, pour qu'il puisse parler de l'actualité, puisqu'à l'époque, il fallait chaque fois qu'on attende, pour relayer des vidéos d'Alain, il fallait attendre qu'il passe à la télévision. Et comme ça se faisait de plus en plus rare, donc j'ai proposé cette idée qu'on parle un petit peu d'actualité, qu'il nous donne son avis sur l'actualité un petit peu, fait une fois par mois. Et donc a démarré la vidéo du mois. Devenue voilà. Le Soral répond que nous connaissons aujourd'hui. C'est ça, ouais. Qui a démarré avec un petit caméscope à 200€, sans micro, avec quasiment aucun moyen, quoi. D'accord. Et donc ensuite, ton activisme s'est porté vers le dessin? Ça s'est porté petit à petit par le dessin, puisque j'ai fait un petit peu de tout à ER. J'ai donné un coup de main à la publication, j'ai donné un coup de main au graphisme, j'ai donné un coup de main sur le site, j'ai fait pas mal de trucs, et dont la section PACA. Ensuite, je suis revenu à une petite passion d'enfance qui était le dessin et plus largement la caricature. Parce qu'à l'époque, donc, j'étais beaucoup en contact avec Zéon et Joel Corbeau. Qui étaient les deux caricaturistes qu'on voilà, connaissait à l'époque. C'était les deux seuls, en fait, à faire des caricatures, on va dire, qui n'allaient pas dans le sens de Charlie Hebdo. Donc comme c'était les deux seuls, c'est eux qui se prenaient, en fait, tous les procès. Et je me suis dit, si on est plusieurs à se mettre au boulot, vu que c'est quand même pas grand-chose, enfin, je pense... si on est plusieurs à se mettre au boulot, il y aura peut-être beaucoup moins d'attaques. Donc j'ai vu le truc un petit peu comme ça et donc j'ai apporté un petit peu ma main à l'édifice. Voilà. Alors les auditeurs, Nico, connaissent ton style, le style de Adolphe, un style très épuré, un ouais. style très acerbe également. D'où te vient ton inspiration? Au niveau du style, ce que je fais, ça se rapproche plutôt de la caricature de presse. Un peu à l'ancienne, avec très peu de traits, essayer d'être le plus concis possible. Je m'inspire beaucoup de Conk, qui est pour moi le maître absolu dans le domaine. Donc c'est pas du tout ce que fait par exemple Zéon, ce que fait Zéon, c'est très graphique, c'est magnifique ce qu'il fait d'ailleurs, ça je serais incapable de le faire. Donc j'essaie de me rapprocher plutôt des caricaturistes de presse originaux. comme Conque, par exemple. Voilà, en ajoutant un petit peu de couleur, des trucs un petit peu rigolos ou décalés par rapport aux faits que je traite, qui sont quand même assez violents parfois. Mmh. Et au niveau de mon inspiration, ben, en fait, j'ai très peu d'inspiration. Pour ma part, je m'intéresse beaucoup à l'actualité et je m'amuse à allumer la radio, par exemple RMC, c'est pratique pour ça. Parce que vous avez des gens qui donnent leur avis, si on peut appeler ça un avis. Et donc je fais que retranscrire ce que j'entends en fait. Donc j'entends des énormes conneries que je mets en dessin. Un exemple ? Un exemple tout simple. Donc il y avait un débat sur RMC sur la pilule, puisqu'il avait été prouvé que la pilule était cancérigène. Et donc il y a une nana qui appelle et qui donc dit qu'elle, malgré tout, elle voulait continuer à prendre la pilule. Et l'animateur lui dit mais vous n'avez pas peur des risques de contracter un cancer et tout. Et elle répond je veux pas prendre le risque de tomber enceinte. Donc il suffit de mettre en image ce qu'on entend, en fait la réalité quoi. J'invente rien. Je n'invente absolument rien, je fais que retranscrire ce que j'entends, ce que je vois autour de moi. Et puis alors Nico, tu dessines sur papier ou sur ordinateur ? Alors je dessine sur papier à l'ancienne avec un crayon, un stylo ou un feutre. Souvent dans un premier temps au crayon, quand je cherche les traits les plus simples possible. Parce qu'on a tendance quand on dessine à vite se compliquer les choses. Donc je commence au crayon, je repasse au feutre, puis je scanne. Et là je passe à la colorisation via un logiciel tout simple sur PC. Puis il me reste à rajouter les textes, les bulles, tout ça. C'est très très simple, c'est très basique en fait. Et pourquoi avoir choisi ce pseudo de Adolphe ? Quand j'ai commencé, il fallait donc ajouter une signature. J'avais pensé à Nico, mais bon, bof, Nico, ça, finalement, il y en a beaucoup des Nico. Et je me suis dit, il faudrait trouver peut-être un nom que personne n'utilise. Et là, bon, ben en cherchant, bon, en fait, j'ai pas cherché très longtemps. je suis arrivé à Adolphe. Là, je me suis dit, Adolphe, c'est concis, ça se retient, et puis personne ne l'utilise, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, j'ai choisi ce pseudo-là. Et Nico, je crois savoir qu'en plus de la rubrique des dessins de la semaine, tu publies tes dessins dans une revue nationale. Oui, c'est une revue qui s'appelle Réfléchir et Agir, qui sort tous les trimestres. Et qui publie à chaque fois donc quatre dessins exclusifs en fait. Voilà. Exclusifs ou ils ont simplement la primeur ? Non, c'est des... Ah oui, ils ont la primeur. Il n'y a que eux qui ont ces dessins-là, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Et on a vu passer également sur le site d'Égalité et Réconciliation, me semble-t-il, des vidéos de toi qui s'appellent Voyage à la surface de la Terre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors l'idée, c'était de partager une expérience que j'ai entamée il y a 3 ans. Qui est de repartir sur une vie plus saine, en fait, puisque j'ai vécu en ville pendant plus de 30 ans. Et je voulais retrouver une vie saine et surtout retrouver le contact avec la Terre, qui est, je pense, le principal problème que notre société entretient actuellement. L'idée, évidemment, c'est de retrouver à la fois une vie saine, mais de devenir autosuffisant. Et de tendre vers l'autosuffisance. Alors, j'ai voulu partager ça en vidéo, notamment sur la permaculture, qui est un domaine qui me passionne et qui est vraiment très très intéressant, où j'ai entamé un potager expérimental. Je fais pas mal d'expériences, puisque c'est au début, on fait beaucoup d'expériences en permaculture, avant d'en récolter les fruits. Et on trouve des choses assez intéressantes, donc... Donc voilà, j'ai voulu partager ça dans ces vidéos et puis ça me permettait aussi de garder un contact avec l'audiovisuel qui est aussi un domaine qui me passionne. Alors Nico, nous parlerons de la permaculture et de l'agriculture tout à l'heure, ouais. Notamment avec Franck et toi. Et moi j'avais une autre question à te poser. Mm-hmm. Ça fait combien de temps que tu as réalisé ce retour au rural ? Ça fait maintenant 3 ans. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de lecture aussi. Il faut aussi bien s'y préparer, on tombe dans des pièges, donc il faut... Voilà, ça demande aussi de faire des erreurs, d'apprendre. Et c'est très très long, il faut être patient, il faut être à l'écoute, il faut savoir observer. Il faut aussi s'imprégner de la région où on, où on décide de s'installer. Parce que ça peut être pas évident du tout. D'ailleurs, comment as-tu choisi ta région? Pourquoi être venu t'installer dans le sud-ouest? Ouais, j'ai commencé à chercher sur toute la France. Et parce que d'abord, le premier problème, évidemment, c'est l'argent. Ouais. Donc je me suis vite rabattu sur les Pyrénées et le sud-ouest. Parce que la qualité de vie est très intéressante. Le climat est quasi parfait lorsqu'on veut faire de la permaculture. Puisque moi, je viens d'une région où on avait le Mistral, une région très sèche, qui est hyper compliquée pour jardiner. Donc il fallait de l'eau, il fallait de l'humidité, il faut pas qu'il fasse trop chaud, mais pas trop froid non plus. Puis voilà, les prix attractifs, des régions qui sont abandonnées, on va dire. Et puis on reste quand même dans le sud. Donc je suis quand même un sudiste, donc c'était important pour moi aussi de pas trop m'éloigner du soleil. Et ce changement de vie n'a-t-il pas été trop difficile pour toi ? Ben en fait non, puisque on ne fait que gagner à changer de vie pour partir vers un projet sain qui est difficile. Ça va être peut-être au niveau de l'emploi, trouver un emploi dans l'endroit où on veut s'installer, parce que ce sont des endroits qui deviennent désertiques, ce sont des endroits qui sont abandonnés, où il n'y a pas de boulot. Je dirais que le plus compliqué, ce n'est pas le climat ou le fait de s'éloigner d'entre guillemets la civilisation. Le plus compliqué, c'est de s'adapter à la population locale, puisque souvent vous êtes perçu comme un étranger qui vient s'installer. Vous avez des familles, des fois, qui sont installées depuis des centaines d'années dans des villages, et vous venez, donc vous pouvez être mal vu, ça dépend. Après, vous pouvez être très bien accueilli, comment vous pouvez être très mal accueilli, ça dépend. Ça, c'est aussi au petit bonheur la chance. Donc, mais globalement, dans le sud-ouest, ça va plutôt, quoi. Voilà. Les gens ne sont pas désagréables comme dans les villes. Alors, il y a une question que je me posais en venant ici, en visitant les différents villages qui jalonnent la route menant à cette ferme. C'est, est-ce que les gens dans ces régions éloignées des grandes villes sont sensibles à la situation de la France? Est-ce que ce sont des gens politisés? Est-ce qu'ils se positionnent? Ou est-ce qu'ils sont vraiment en dehors du débat national? Ben, ils ont la télé. Donc à partir du moment où ils ont la télé, ils répètent, enfin ils ne font que répéter ce qu'ils voient à la télé. Généralement, ils sont très... je remarque que les gens ici étaient très ancrés au Parti Socialiste, pour des raisons, je pense, peut-être d'intérêt, je ne sais pas. Ils ne sont pas au contact direct avec les problèmes que pose l'immigration? Alors, ils sont très anti-immigrés, clairement. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un discours qui est très à droite. Et dans les faits, ça vote massivement à gauche. D'accord. C'est difficile à cerner, mais c'est ce que j'ai remarqué en arrivant ici. Franck, bonjour. Toi, tu es le chef de la section de l'Ariège, oui. Section égalité et réconciliation. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, en quoi constitue cette section ? Eh bien, tout d'abord, c'est une jeune section. On est en activité, on va dire, depuis 2 ans, même si la vidéo qu'on a fait paraître dernièrement est très récente. On a déjà une petite ancienneté de 2 ans, on va dire. On est un petit groupe de 10 personnes, on va dire, issu de la diversité. On est multiconfessionnel. On a au sein de la section des musulmans, des protestants, des catholiques, des gens issus de l'immigration portugaise, des franco-algériens, des Français de souche aussi. Et ce petit assemblage fait que nos discussions sont prolifiques et intéressantes, on va dire ça comme ça. Et en termes d'action, alors, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Et bien alors, on a commencé tout d'abord par organiser des rencontres sportives. La première année, on a organisé une randonnée qui a réuni une quarantaine de personnes, donc en Ariège. La deuxième année, on a organisé une sortie spéléo qui a été aussi couronnée de succès. Il y a eu une vingtaine de personnes. On avait fait aussi un petit compte-rendu sur le site national. Et cette année, on devait organiser une randonnée qui malheureusement a été reportée pour conditions climatiques, un gros orage prévu le soir de la randonnée, et on devait dormir à la Belle Étoile en refuge. Donc on a décidé en conscience d'annuler, de reporter. Je préviens les auditeurs qui seraient intéressés pour venir. Très prochainement, on est en train d'en discuter là, et on divulguera la date prochainement. Voilà. D'accord, donc c'est une petite section qui s'active. Voilà, petite section qui s'active, qui a des projets donc, assez divers. C'est pas que des rencontres sportives non plus. On a lancé l'initiative d'une production de produits locaux. Notre produit phare, c'est le vin d'épines. C'est un petit vin apéritif entre 16 et 18 degrés, qui est en fait un délicieux mélange entre du vin rouge et des fleurs de prunelier macérées. Et nous sommes en discussion actuellement avec Sanguis Terrae pour une production et une vente par le biais de Sanguis Terrae. Voilà. Donc c'est un projet commun, collectif qu'on a entre les camarades du groupe. Et pour aussi subvenir à des besoins financiers, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on a besoin aussi de sous. Et ce projet-là nous lie et nous permet, je pense, dans le futur, de récupérer un peu d'argent. Donc c'est bénéfique pour nous. Voilà, Nico en a parlé aussi. On s'intéresse beaucoup à l'autonomie et à la permaculture, oui. Pour ma part, je suis installé en agriculture avec mon épouse. D'accord, donc je précise à nos auditeurs que nous sommes actuellement dans ta ferme. Oui, exactement, oui. C'est ça, donc tu es l'heureux propriétaire de cette ferme. Tout à fait. Et donc Franck, toi aussi, tu as le même parcours que Nico. Tu viens de la ville et tu t'es installé à la campagne. Oui, tout à fait. Ben, je peux rapidement dire, j'ai 38 ans, je suis marié. Je suis double actif, donc je n'ai pas de statut à proprement parler agricole, je suis salarié. Et j'aide ma femme qui, elle, est cotisante solidaire, c'est le statut de la MSA. Donc on a effectivement ce projet-là, on a racheté une ferme il y a 3 ans. On a quitté la vie citadine il y a 3 ans avec mon épouse. Et on s'est installé donc, dans le nord de l'Ariège, dans la vallée de la Lèze. Et on a décidé de créer un projet de vie, tout d'abord, parce que c'est à la base c'est ça, c'est un projet de vie familial. Basé sur deux principales activités agricoles qui sont le maraîchage bio et l'élevage de brebis et la transformation laitière, donc le fromage de brebis. Franck, il y a eu quelque chose que tu me disais avant l'émission, disons-le, c'était que tu étais en couple et que ça avait été très important dans ton projet de réenracinement. Oui, tout à fait, je pense que c'est même essentiel. La cellule pour moi optimale pour ce genre de projet-là, c'est le couple, puisqu'il y a une dimension de transmission aussi, et ça il ne faut pas se le cacher. Pour les futures générations. Et le couple, quand il est bien organisé, répond à ces attentes-là. Par rapport, en fait, à un groupe d'amis, une communauté, c'est peut-être moins pertinent. Ouais. Oui, effectivement, l'Ariège est une terre qui a accueilli beaucoup de communautés aussi. Et on peut voir facilement les échecs fréquents de ce genre de projet-là. Je suis persuadé que le couple est l'élément essentiel. De par sa fonctionnalité et sa bivalence, voilà. D'autant plus qu'on a choisi, moi et ma femme, de prendre en charge chacun un atelier. Moi, je suis responsable du maraîchage, je me suis formé pour ça. Ma femme, elle aussi, s'est formée, elle, pour l'élevage et la transformation laitière. Le fait de diviser aussi le travail de cette façon-là nous permet aussi de gérer nos ateliers indépendamment, même si chacun donne un coup de main à l'autre. Quand il faut le donner, quoi. Alors, chers auditeurs, vous entendrez probablement qu'il pleut pendant que nous parlons. Nous sommes abrités, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, sous une sorte de grange, c'est ça ? Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer l'émission. Franck, il y a une question fondamentale. C'est la question qu'évoquait tout à l'heure Nico. C'est comment faire, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient peut-être retourner ou aller vers la nature, d'un point de vue professionnel, comment s'organiser ? Nicole disait assez bien, le nerf de la guerre, c'est l'argent. J'ai choisi de passer par un crédit bancaire pour accéder à ce projet-là. Je ne saurais pas dire si c'est la meilleure des façons de faire, mais c'est quand même un sacré boulet dans les perspectives futures qui oblige à dégager un minimum mensuel. Donc ça, c'est une première chose. Il faut évidemment éviter au maximum l'emprunt bancaire. Je le pense sérieusement. Ensuite, il y a l'accès au foncier. L'accès au foncier, c'est relativement difficile aussi. Il y a beaucoup de jeunes, enfin je parle en Ariège, qui ont du mal à accéder à ce foncier-là parce que ça coûte cher, hein, faut pas se le cacher. Une parcelle de terrain, ça coûte cher. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à réfléchir, le foncier et l'argent qu'on peut y mettre à l'intérieur. Ensuite, il y a tout l'aspect formation. Moi, j'ai observé ma grand-mère étant petit, j'ai vu comment elle faisait, comment elle s'est débrouillée dans un jardin, les légumes qu'elle en tirait. mais c'est pas pour autant que j'ai appris le métier de maraîcher. Donc il y a une base aussi théorique qu'il faut appréhender. Avec mon épouse, on a choisi de passer par un diplôme, un brevet d'État. C'est le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est un gros mot pour dire, pour donner en fait un statut agricole. Ce statut permet d'accéder à des subventions européennes, qu'on appelle européennes, mais qui sont en fait qui est de l'argent français. Hein. Marine Le Pen le disait assez bien. L'argent que la France donne à l'Europe nous retombe en pluie fine ensuite par la suite. Donc on n'a pas à rougir de bénéficier de l'argent européen, puisqu'à la base c'est de l'argent français. Et ces subventions peuvent aider dans le début à s'installer en agriculture. Après, si chacun peut s'intéresser au statut différent et se rapprocher d'une chambre d'agriculture, il existe plusieurs formes d'installation. Nous, on a choisi l'installation progressive. Donc on bénéficie d'une subvention à 50% de tout le matériel qu'on achètera sur une période de 5 ans, sur le justificatif de facture. Donc ça, c'est quand même conséquent, puisque 50% ça représente une sacrée somme, même si en maraîchage et en élevage on n'a pas énormément besoin d'argent. Nous, puisqu'on avait déjà un bâtiment et on a choisi aussi de travailler avec le moins de matériel possible, mais c'est quand même conséquent puisque dans les premières années on s'aperçoit que les besoins en argent sont assez importants. Voilà pour le côté financier. Et côté formation, je pense que c'est les deux éléments importants. Et puis je dirais se préparer aussi physiquement, parce que quand on vient de la ville, on a un rythme de vie, on a une façon de faire, une façon de vivre totalement liée à son cadre de vie. Et la vie à la campagne est rude, ça, il faut pas se le cacher, parce que c'est se lever tôt, parce que c'est s'occuper d'animaux, parce que c'est être confronté à des naissances, à des décès, à des on confronte aussi son corps à des événements qui, dans un cadre urbain, ne sont pas forcément nécessaires. Quoi. D'ailleurs, j'invite les gens à venir faire un stage à la maison pour voir que physiquement, c'est conséquent. Et d'ailleurs, j'ai du mal à me dire maintenant, à réaliser comment dans ma vie passée, je dépensais argent et gouttes de sueur à aller transpirer dans les salles de sport, alors qu'aujourd'hui, je fais mon sport quotidien sans... Mais attention Franck, tu invites les auditeurs à venir faire un stage à la maison, mais alors à ce moment-là, il faut indiquer une adresse mail où te joindre. Mais c'est de ta responsabilité. J'invite. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être avoir beaucoup de monde qui va arriver alors. Hein. Franck, j'avais une question à te poser. C'est par rapport à toutes les tentations qu'on subit lorsqu'on habite à la ville. Je pense par exemple... aller au cinéma, des choses très bêtes, mais qui en fait sont importantes pour les gens, puisqu'ils constituent l'essentiel de leur loisir, ce qu'on appelle le temps de loisir. Comment tu fais, toi, pour maîtriser ça en toi ? Toutes ces tentations-là, toutes ces choses ne te manquent-elles pas ? Ma femme aurait pu répondre à cette question-là. Je peux y répondre aussi, oui. C'est les commodités de la ville. Oui, tout à fait. Disons que le rythme journalier diffère complètement. Il est calé, nous on est en élevage, donc on travaille avec des animaux. Donc le rythme de la journée est calé sur le rythme du soleil. Donc on se lève assez tôt le matin, on s'occupe des animaux le matin, le jardin ensuite. Donc je vais être assez direct, il n'y a pas de place en fait pour la distraction. Je n'ai pas le temps de regarder la télé, j'en ai pas chez moi d'ailleurs. Je n'ai pas le temps d'aller au cinéma. Les vacances c'est très réduit puisque les animaux c'est 24 heures sur 24. Donc on a la chance d'avoir nos beaux-parents à côté qui peuvent nous dépanner de temps en temps, mais on part très rarement en vacances. Et j'en suis pas malheureux, je te dirais, parce que quand on est bien chez soi, on n'a pas forcément envie de partir. Nico ? Et si je regrette ce que j'ai fait ? Non, sur cette question des tentations, du système de consommation de masse. Mais c'est justement ce que j'essaie de fuir. Donc si je suis venu ici, c'était pour fuir tout ça, et parce que je n'en avais pas besoin, tout simplement, et que... Ce dont j'avais besoin, c'était d'avoir mon terrain, c'était de faire pousser mes plantes, de planter mes arbres, de manger mes fruits et légumes, sachant d'où ils venaient, et donc de ne pas bouffer de la merde, quoi. Et donc, y a aucune... ça ne me vient même pas à l'esprit d'aller au cinéma, voir le dernier film de Polanski, ou de je ne sais pas qui d'autre, un Ok, alors malgré tout, entre vous, il y a quelque chose qui vous sépare. C'est que toi, Nico, tu as fait le choix de la permaculture. Et toi, Franck, tu as fait le choix de l'agriculture telle qu'elle se concevait dans les années 50-60. Alors, expliquez-moi, chacun d'entre vous, pourquoi avoir fait ce choix spécifique ? Nico, pour commencer. Alors moi, pourquoi la permaculture ? D'abord Nico, qu'est-ce que la permaculture ? Bon, généralement, on répond que c'est une philosophie. Il n'y a pas vraiment de définition appropriée ou définitive à la permaculture, mais je dirais que c'est l'idée de recréer un cycle, de recréer un équilibre, en fait. Le but, c'est qu'à la fin, on intervienne le moins possible sur notre plate-bande et que tout se fasse le plus naturellement possible. En fait, c'est diminuer le travail et respecter le sol, la vie du sol qui est fondamentale. Mais dans ce sol, il y a des insectes et des qui disparaissent, ouais. Mais qui sont justement ce que cherche à combattre quelqu'un qui fait de l'agriculture traditionnelle, qui viennent manger les racines, les plantes, qui sont de mauvaises herbes également. En permaculture, comment vous faites pour lutter contre ça ? Alors, il y a plusieurs choses. On peut, par exemple, ne pas lutter contre les mauvaises herbes. Ça dépend ce qu'on veut planter à cet endroit-là. Mes oignons, par exemple, poussent. À côté des mauvaises herbes, je n'enlève pas les mauvaises herbes. Mais il y a un truc tout simple qu'on peut faire, si on veut vraiment lutter contre les mauvaises herbes, il y a la solution de bâcher tout l'hiver, de manière à avoir une terre prête au travail, entre guillemets, au printemps. Et vous avez la solution de pailler aussi, tout simplement en coupant les herbes et en paillant votre sol, car le sol doit être toujours couvert. Si vous ne voulez pas que votre sol s'appauvrisse et que les mauvaises herbes se multiplient, il faut le couvrir. Alors après, vous avez d'autres méthodes, mais après, ça dépend toujours de ce que vous allez y planter. Il y a certaines plantes qui nécessitent de ne rien avoir autour. Il y a d'autres plantes qui nécessitent d'avoir d'autres plantes qui vont les aider autour. Car il faut savoir aussi que les mauvaises herbes, ça permet de conserver l'humidité. Donc ça peut être un atout aussi. Ça peut être un atout, ça peut attirer certains insectes intéressants comme les sauterelles par exemple qui ont besoin des herbes hautes et qui vont manger pas mal de... qui vont se nourrir de pas mal d'insectes ravageurs par exemple. Donc ce sont des choses qu'il faut expérimenter et ensuite faire le choix en fonction des cultures que vous voulez, mettre en place. J'ai pas été trop... Pardonne-moi Nico, mais si l'action de la permaculture c'est justement l'inaction de l'homme sur la nature, dans ce sens-là, finalement la terre, théoriquement, devrait être un jardin. Alors la permaculture ce n'est pas l'inaction totale, parce que ça serait une idée fausse ou une idée un petit peu de... Voilà, ça serait faire rêver un peu les gens, il y a quand même toujours du travail. Surtout en amont, lorsque vous débutez sur un terrain entre guillemets neutre où vous allez vous installer en permaculture, ça va demander énormément de travail avant d'arriver à un équilibre général. Parce que ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. Donc comme les terrains sont totalement déséquilibrés, il faut beaucoup de temps à remettre tout en ordre. Après, c'était quoi déjà la suite de la question ? C'était l'idée que si en ne faisant rien, si justement l'idée c'est de laisser la nature faire, mais la nature quand elle fait, regarde ce qu'elle fait, elle fait des broussailles, mais elle produit pas. Il faut savoir que le climax de la nature c'est la forêt, surtout en Europe. Toute végétation va évoluer vers la forêt. Si on la laisse vivre et se développer naturellement, une végétation qui à la base pourrait être un champ labouré comme on peut l'avoir en face de nous, son climax, on appelle ça un climax. Ce sera la forêt, il tendra à revenir vers la forêt, donc par des étapes différentes, c'est la mousse. Enfin, Et donc justement, le rôle de l'agriculture, c'est de s'extraire de ce climax. Oui, et de parvenir à une production. Et la permaculture, si je peux me permettre, joue un peu avec ça et se sert de... Par exemple, on a le jardin-forêt en permaculture, qui est un concept très intéressant, où on essaie de reproduire une forêt en mettant plusieurs strates d'arbres, de tailles d'arbres, qui vont s'entraider. Et on va avoir ensuite une forêt totalement comestible. Ça, c'est un concept très intéressant, par exemple. Et par rapport aux bestioles, tout à l'heure, je te parlais des bestioles. Les insectes, ouais. Tu ne m'as pas répondu. Parce qu'il y a des bestioles, et quand on bêche son terrain, on détruit les nids. Comment ça se passe en permaculture ? Quand on a trop d'insectes nuisibles, c'est qu'il y a un déséquilibre et qu'il peut manquer certaines plantes ou certains insectes qui vont se nourrir de des insectes nuisibles, en fait. Donc, on peut, par exemple, si on a trop de limaces, on peut mettre des canards. En faisant attention parce que les canards ça peut manger aussi tout le potager, Mais évidemment, si vous n'avez rien sur votre terrain qui va se nourrir des limaces, vous allez avoir des limaces qui vont pulluler et vous n'allez plus vous en sortir. Donc il faut chercher constamment l'équilibre et c'est pour ça que c'est un travail, c'est très compliqué et ça nécessite beaucoup d'observation. Et moi, ce que je peux déconseiller aussi aux gens, c'est lorsque vous vous installez, d'éviter les terrains cultivés autour de chez vous. Parce que si des terrains sont cultivés autour de chez vous et que les agriculteurs utilisent par exemple des pesticides, tous les insectes vont venir chez vous. Donc ça, donc en plus des pesticides que vous allez vous prendre sur la gueule, vous allez vous prendre aussi les insectes qui fuient ces endroits. Et qui viennent se repaître de ce, voilà, de ce milieu que, ah ben oui, donc, que tu as constitué, qui est fait de quoi finalement? Un terrain de permaculture, ça ressemble à quoi concrètement? C'est un terrain qui est quasiment pas labouré, qui est, on va dire, biné, qui va être allégé. Et comment on fait pour ne pas travailler un terrain et le rendre plus léger? Il faut tout simplement le couvrir. On peut le couvrir de matière organique, on peut le couvrir d'herbe, etc. Alors ça peut prendre des années, mais on peut arriver comme ça à ne jamais labourer son terrain. Tout juste biné, voilà, lorsqu'on plante ses plants. Le labour se fait naturellement avec les vers de terre. C'est le travail du vers de terre qui vient aérer la structure du sol, quoi. Mais l'idée de couvrir, en fait, ça va attirer les vers de terre qui sont restés au fond et qui ont fui le labour, en fait. Donc ils vont remonter et alléger eux-mêmes la terre. De plus, ils vont alléger le sol, mais ils vont chercher leur nourriture à la surface et en redescendant, ils vont... comment on appelle ça déjà? Ils créent un complexe argilo-humique. Ils viennent chercher l'humus en surface, ils mélangent l'humus de la surface avec l'argile du sol et créent un complexe argilo-humique qu'on appelle l'humus. Ouais, c'est la terre quoi. C'est la terre en fait, complexe argilo-humique dont parlent assez bien Lydia et Claude Bourguignon. Hein, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré sur ce sujet-là. Et ce complexe-là, c'est fait que les sols tiennent. Et Claude et Lydia Bourguignon en parlent très bien. Ils disent que c'est le labour détruit ce complexe argilo-humique. Et de par les inondations qu'on a vécues, on l'a assez bien vu là récemment, les sols en fait ne tiennent plus, sont labourés fréquemment et s'en vont dans les rivières. Et se barre en fait, s'en vont physiquement. Et alors se pose la question malgré tout du rendement. Est-ce que ça marche, la permaculture? Alors est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Si on cherche du rendement, on peut en avoir, mais je dirais dans un cadre familial. C'est-à-dire que si on veut, si on passe à une échelle supérieure et qu'on veut être maraîcher tout en faisant de la permaculture, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que vous pouvez avoir une année, une attaque d'insectes et vous avez mal maîtrisé votre truc. Vous risquez d'avoir beaucoup de pertes et vous pouvez pas compter là-dessus. Donc je dirais que au niveau familial, au niveau d'un petit jardin jusqu'à, je dirais, 1000 mètres carrés pour une famille qui veut vraiment être autonome en légumes, ça marche. Mais après, ça demande beaucoup d'observation, ça demande beaucoup de tests aussi. Il faut toujours tester des trucs. Moi, je teste chaque année, je teste des nouvelles choses pour voir ce qui est le plus viable, on va dire. Par exemple, tout à l'heure, Nico, tu nous as fait goûter un excellent vin de framboise, oui, qui était issu de la permaculture. Oui, on peut dire que les framboises utilisées dans ce vin donc, viennent complètement de mon jardin et sont exemptes de tout produit. Et c'est des framboises que je n'arrose jamais, qui repoussent. Ça, c'est intéressant d'ailleurs pour revenir quand on parle de quelqu'un qui veut par exemple s'installer en permaculture, par exemple, de débuter par des plantes vivaces qui repoussent chaque année, comme la framboise, qui se multiplie très vite, qui repousse et qui donne chaque année des fruits. Et je me contente simplement de couvrir le sol au printemps avec à peu près une épaisseur de 20 cm de paille ou de tente de gazon, ce qui va aider à reconstituer l'humus et qui va conserver l'humidité au pied des framboisiers. Voilà, tout simplement, je ne traite pas, je n'ai pas de problème d'insectes, et j'ai une, J'ai eu une très bonne production l'année dernière. Ouais. Alors Franck, pourquoi toi tu as choisi l'agriculture traditionnelle? Disons que c'est lié à des impératifs. Je disais tout à l'heure que j'avais besoin en fait d'un salaire mensuel, hein, on va dire ça comme ça. Et donc la permaculture, moi la critique que je peux en faire, c'est la vision qu'on a en fait de sa production. C'est assez difficile en fait en termes de prévision, d'élaborer dans un schéma permaculturel, à mon avis, hein, je peux me tromper, mais j'aime pas ce mot, je vais le dire quand même, mais j'en trouve pas d'autre, une rentabilité. Et le maraîchage dans son design, je vais employer un mot de permaculture, mais dans son design, le maraîchage est plus étudié dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'organisation du jardin, la méthode de récolte, tout est destiné à faciliter le travail du maraîcher. Après, je ne suis pas fermé à la permaculture, bien au contraire, puisque j'applique des concepts dans mon jardin. On pourra faire un tour peut-être tout à l'heure. Je fais beaucoup de paillage, comme dont parlait Nico. J'ai intégré des canards coureurs indiens à mon jardin pour éviter le sulfate de cuivre. Tu pioches des idées, voilà, dans la permaculture, idées, mais tu appliques une agriculture classique. C'est du maraîchage, on va dire, parisien, comme on le faisait il y a longtemps. Enfin, il faut savoir que le maraîchage en France, et notamment à Paris, est reconnu mondialement. Des gens s'en sont inspirés, et moi je me suis inspiré énormément d'un Canadien qui s'appelle Jean-Martin Fortier, qui lui-même s'est inspiré de ces fameux maraîchers parisiens qui vivaient dans la couronne de Paris et qui alimentaient en fait en légumes les Parisiens. Et on a cette culture-là en France, et peu de gens le savent. Moi c'est comment produire sur une petite surface, puisque je le répète, nous sommes que deux à travailler et double actif de surcroît, donc on a un temps assez limité à consacrer à ça. Comment produire sur une petite surface avec le moins de travail du sol possible, puisque plus les études avancent, plus on nous prouve que plus on va travailler, déstructurer le sol, plus ça va être négatif en fait par rapport à la production future. Et je m'intéresse à une notion récente qui est le non-travail du sol, ou on appelle ça aussi du maraîchage sur sol vivant. C'est des concepts assez nouveaux qui commencent à émerger par-ci par-là, et notamment par des maraîchers locaux comme Pierre Besse ou Laurent Welch, qui sont des gens de ma région. Oui, je parlais de Claude et Lydia Bourguignon, oui, ils abordent un principe essentiel qui est la vie du sol, et ça l'agriculture moderne l'oublie complètement, et c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est l'élément essentiel, c'est la terre qui nourrit. Et si on oublie ça, eh bien on va produire une agriculture comme on peut le voir aujourd'hui, qui est hors sol. C'est-à-dire qu'on va se servir de la terre comme un substrat inerte, qu'on va gaver d'engrais et de pesticides, dans lequel on va planter une graine qui va pousser, mais qui va nous donner un fruit ou une céréale toxique. Et ça, je pense que y a un mouvement populaire qui commence à prendre ça en considération, mais trop peu, je pense, par rapport à ce que ça devrait être. Mais attention, pour nos auditeurs, il y a malgré tout deux agricultures. Il y a l'agriculture extensive, l'agriculture moderne, et puis il y a l'agriculture que toi tu appliques, enfin que tu mets en œuvre. C'est une agriculture familiale, respectueuse du sol, et donc c'est l'entre-deux entre la permaculture, où il n'y a aucune action ou très peu, le minimum d'action de l'homme possible, si j'ai bien compris définition de la permaculture, qui n'a pas de définition d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, permaculture, pourquoi perma ? Permanent. Culture permanente. C'est l'idée de... Ça vient d'Australie, le mot permaculture, qui veut dire culture permanente, en fait, où les cultures... Bon, après, ça, c'est lié aussi au climat qu'ils ont là-bas, avoir des cultures qui se renouvellent d'elles-mêmes, en fait. D'accord. En fait, l'idée, enfin, l'utopie de la permaculture, c'est d'arriver à ce que les cultures se reproduisent elles-mêmes, à terme, quoi, et qu'on ait vraiment plus rien à faire. Bon, ça, j'y crois pas trop. Ouais. Mais bon. Finalement, c'est un peu le gauchisme rêver de l'agriculture. Quelque part, ouais. Franck. dans quel sens tu dirais ça ? Dans le sens où, justement, c'est le minimum d'action possible, c'est l'anarchie, un peu. C'est un modèle anarchique. C'est une forme de contemplation, ouais. Mais c'est plaisant. C'est plaisant, mais toi, tu ne l'as pas choisi, parce que ça n'est pas efficace. Dans le schéma que j'ai actuellement, ça m'est difficile, effectivement. Ouais, effectivement. Après, je, je, je fais un distinguo entre, comme tu parlais de l'agriculture conventionnelle, tout nous pousse aujourd'hui à nous orienter vers ce type de production-là. Qu'est-ce qui te pousse, toi, Franck, d'aller vers la culture extensive ? Ah ben déjà, le système de subvention. Le système de subvention, subvention des schémas et des profils techniques qui vont utiliser la pétrochimie, qui vont... On nous pousse, hein, en fait, aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, même si je me considère pas comme agriculteur, mais comme paysan, un modèle extensif de grosse échelle. Et moi, je me réfère plus à un modèle paysan de l'ancien temps, où les familles vivaient dans des fermes, on va dire, autonomes, avec plusieurs générations à l'intérieur de cette famille, et sur des surfaces moindres. Pardonne-moi, Franck, mais moi, je n'ai pas compris, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de rester dans un modèle familial ? Tu n'es pas rentable ? Quelles sont les pressions que tu subis ? Aujourd'hui, il y a des manières, des formes commerciales qui se créent, comme la vente directe, les AMAP, toutes ces choses-là qui font qu'un modèle comme le mien peut être viable. Même si c'est difficile, puisque la subvention dont dépendent beaucoup d'agriculteurs, et nous on essaye de s'en libérer un maximum, ne pousse pas à ce schéma-là. On nous pousse à produire beaucoup, en quantité, voire en demi-gros en termes de maraîchage, à des tarifs moindres, mais en quantité énorme. Et nous, on ne recherche pas du tout ça, en fait. Nous, c'est à la base un projet vivrier, et qui nous amènerait une somme mensuelle suffisante pour payer notre crédit. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça, en fait, c'est le crédit. C'est le crédit et les mensualités à payer chaque mois. Dès qu'on a dépassé ça, je pense qu'on est libre, oui. Nico, parmi nos auditeurs, il y en a probablement qui voudraient franchir le pas que vous avez franchi vous-même, qui est d'aller s'installer à la campagne. Et peut-être n'ont-ils aucune connaissance en agriculture, ni même en permaculture. Quel schéma leur conseilleriez-vous pour commencer à avoir des petites productions de fruits et légumes ? Je vais commencer par deux petites astuces, s'ils n'ont jamais mis les mains dans la terre. Il y a ce qu'on appelle le woofing. Le woofing, c'est un concept assez intéressant. C'est ce qui vous permet d'aller dans une ferme aider un paysan en échange. Donc vous êtes nourri, logé, et vous allez apprendre sur le tas. Vous allez apprendre pas mal de choses, des techniques, etc. Donc ça peut vous permettre de voyager tout autour de la France, par exemple, de visiter des coins qui peuvent vous intéresser pour vous installer, et en même temps apprendre directement auprès des paysans. Vous avez des paysans qui font de la permaculture, etc. Donc ça peut permettre de varier les connaissances. Le concept est assez simple, vous inscrivez sur un site, il y a une petite somme à régler, et ensuite vous avez accès à toutes les adresses dans toute la France. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire, surtout si on n'a pas d'argent. En ce qui concerne la région, s'il y a une région qui vous plaît, les régions abandonnées comme ici, par exemple... L'Ariège. Voilà, par exemple l'Ariège. Il faut savoir que dans les villages, vous pouvez facilement louer un appartement pour très peu. Donc ça peut vous permettre de voir si la région vous convient ou pas. Vous vous installez juste quelques mois et voir si vous arrivez à vous y faire. Alors ensuite, pour quelqu'un qui débute. Pour quelqu'un qui veut débuter dans le jardinage, je dirais qu'il ne faut pas voir les choses trop grandes, parce qu'au départ, on veut tout faire, et on veut trop en faire. Donc la première chose à faire, surtout si on veut faire de la permaculture, c'est se concentrer sur les plantes vivaces. Les herbes médicinales, par exemple, ça peut être les herbes aromatiques, et en mettre de partout dans le jardin, apprendre à les cultiver, à les bouturer. Ça, c'est très très important. Avoir une connaissance aussi des arbres, ça c'est la première chose à faire. Planter des arbres fruitiers. Alors vous avez plusieurs méthodes en permaculture pour créer un verger, dont celle dont j'ai parlé dans mes vidéos. Ensuite, si vous faites des légumes, je dirais que les 2-3 premières années se consacrer uniquement sur maximum 5 légumes. 5 légumes tout simples. Et ensuite, faire des expériences petit à petit chaque année, de manière à maîtriser au mieux la culture. Et même, à la limite, de commencer en agriculture conventionnelle, de manière à connaître au mieux son légume, et ensuite passer progressivement à la permaculture. Franck, est-ce qu'il y a une opposition entre la permaculture et l'agriculture? Et est-ce que quelqu'un qui commence doit commencer forcément par l'agriculture, ou est-ce qu'il peut également s'initier à la permaculture, ou comment doit-il faire? Oui, c'est une bonne question. Moi-même, dans mon jardin, j'applique des concepts permaculturels. Et c'est totalement conciliable, hein. Moi je le revendique même. On nous parle d'agriculture biologique aujourd'hui. En fait, on n'invente pas grand-chose. Les paysans, nos paysans français avant vivaient et exploitaient leurs terres en agriculture biologique, si on peut dire ça comme ça. C'est totalement conciliable. Moi, on fera un tour peut-être tout à l'heure dans le jardin et je vous montrerai qu'on peut appliquer des concepts permaculturels à une agriculture, je vais appeler ça bio-intensive, que défend Jean-Martin Fortier d'ailleurs dans son livre Le jardinier maraîcher. J'invite les jeunes maraîchers qui se lancent à lire ce livre. Un livre passionnant, technique et très intéressant de Jean-Martin Fortier, un Canadien assez réputé. Et par rapport au débat, si on veut parler de débat entre la permaculture et l'agriculture, n'y a-t-il pas également un choix à faire entre un projet familial et un projet professionnel? Oui, tout dépend de ça. Si vous êtes dans un projet familial, vous pouvez vous permettre une année de rater vos cultures. Alors que si vous êtes dans un projet où vous vivez de votre production, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir trop de pertes. Donc tout dépend de ça en fait. Oui, Franck. Oui, je pourrais rajouter quelque chose. C'est vrai que dans des projets agricoles, il y a aussi une notion qu'on oublie souvent, c'est la limitation de ses besoins en fait. Dans un projet agricole comme je peux avoir avec mon épouse, on est très peu soumis à l'achat à la consommation, on va dire, conventionnelle, enfin, si je peux dire ça comme ça. Tous les biens que l'on produit sur la ferme sont consommés au sein de la ferme. On a très peu d'achats externes, en fait. Et clairement, le projet que j'ai avec mon épouse aujourd'hui, c'est un projet vivrier. En fait, c'est un projet d'autonomie et de résilience qui est très simple. C'est-à-dire, on produit la nourriture de par le maraîchage que l'on a, ou la production laitière, les agneaux qu'on peut avoir aussi dans l'élevage, on produit la nourriture nécessaire à la famille. Et le surplus sera vendu, en fait, soit en vente directe à la ferme, comme on le fait le lundi chez nous, ou sur des marchés de plein vent. Mais à la base, c'est vraiment un projet d'autonomie qui est centré sur la famille et les futurs enfants qui, j'espère, arriveront bientôt. Ah, mais la vente de surplus, vous savez qu'elle ne plairait pas du tout à Francis Cousin, que d'ailleurs on salue s'il nous écoute. Chers auditeurs, ce que je vous propose, étant donné que la pluie s'est arrêtée, c'est d'aller visiter la ferme de Franck. Si vous êtes d'accord, Nico et Franck. Allez, c'est parti. On y va. Moi, je suis pas d'accord. Chers auditeurs, alors je me trouve en ce moment même dans un champ avec Franck et Nico à mes côtés. Alors j'ai mis des bottes parce qu'en fait la pluie a repris et le sol est complètement mouillé. Alors Franck, explique-nous où nous nous trouvons. Ben Vincent, nous sommes dans mon jardin. Nous sommes sur un des coteaux ariégeois. Vous pouvez voir qu'il y a une pente assez importante dans mes jardins et j'ai choisi l'option de construire des terrasses en fait. J'ai fait des terrasses. Il doit y avoir une quarantaine de terrasses. Pourquoi les terrasses? Parce que c'est plus praticable quand on travaille sur une pente, que la terre se réchauffe rapidement, qu'elle est orientée de la meilleure des façons, c'est-à-dire face au soleil, plein sud. Et que dans le système d'irrigation que j'ai choisi, c'est-à-dire un système d'irrigation par gravité, la terrasse y trouve bien sa place, puisque grâce à la pente, on peut accélérer en fait le débit d'eau. Voilà. Donc, dans ce jardin, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben on y trouve tous les légumes de saison. Vous pouvez voir en face de vous des carottes qui commencent à pousser. Sous les toiles, vous avez des radis et de la roquette. Sur votre gauche, du chou. Nous avons des fraises en face. Donc il y a pas mal de choux quand même, hein. Trois alignements de choux. Voilà, ouais. Ben, regardez, c'est intéressant, on peut observer donc ces terrasses de choux. Nous avons choisi de ne pas utiliser de traitement chimique. Donc nous utilisons une barrière mécanique. En fait, ce sont des toiles tissées qui laissent passer la pluie et qui empêchent les altises, en fait les altises qui sont l'ennemi numéro un, on va dire, du chou. Une sorte de petite puce noire qui saute de feuille en feuille et qui vient en fait percer comme du papier à musique les choux. Donc deux solutions se posent, soit l'utilisation de produits chimiques, ou alors comme nous avons choisi, c'est-à-dire une barrière mécanique, une toile tissée qui laisse passer la pluie et qui va normalement laisser les altises en surface. Aujourd'hui on en voit moins parce que là il pleut actuellement, donc les altises ne supportent pas la pluie. Et on n'en verra pas aujourd'hui, mais c'est assez efficace dans la lutte contre les altises. Donc là, ils font à peu près, je dirais, 20 cm de hauteur. Ils seront mûrs quand ? Ben après l'été, on les récolte après l'été. Là, on les a plantés il y a, on va dire, un gros 3 semaines. Voilà. On en profitera après l'été. Et tout en haut, là-bas, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, nous avons des courges, des pommes d'or, qui sont en train de pousser tout là-haut. Entre lesquels sont plantés des pieds de maïs. Bon, c'est une vieille technique mexicaine de culture qui s'appelle le milpa. J'aurais dû y planter pour être plus complet des haricots grimpants, mais j'ai juste mis en fait des courges et du maïs. Le maïs est censé pousser, s'élever et protéger la courge du soleil qui va pousser en surface. Le haricot grimpant, lui, dans le trio, est censé normalement s'enrouler autour du maïs et s'en servir comme tuteur. J'ai choisi de ne pas mettre du haricot pour des problèmes de récolte, puisque associer ces trois cultures complique la récolte et en maraîchage on a besoin de facilité de récolte, voilà. Puisque les récoltes sont fréquentes et plus on est rapide dans la récolte, plus on a du temps après à consacrer à autre chose. Alors je vois qu'il y a des tuyaux d'arrosage par terre, donc contrairement au principe de la permaculture, tu arroses tes plantes. Alors j'arrose peu mes plantes, j'ai repris quelques principes, je paille énormément mes cultures. On peut voir en face de l'ail qui est prêt à récolter, hein, on le voit là-bas, qui a été paillé toute l'année en fait. En dessous on a une planche d'oignons aussi qui a été paillée. Le paillage est très important, il permet donc de diminuer l'irrigation parce qu'il conserve le sol humide. Il vient nourrir aussi le sol parce qu'en se décomposant, la paille produit de la matière organique. Donc le paillage est vraiment important, il n'est pas adaptable à tous les types de légumes. On peut difficilement pailler de la salade pour des problèmes de limaces, mais dès que je peux en utiliser, j'en utilise. Voilà, et après mon système d'irrigation effectivement est du goutte à goutte. J'ai choisi ce système parce que moins consommateur en eau, on va dire. J'ai très peu d'aspersion, comme vous pouvez voir, j'ai juste deux asperseurs ici pour les salades, pour les carottes et les radis qui sont difficilement reliables en système de goutte à goutte. Voilà, je n'arrose que quand il le faut et par un sondage en fait sur 50 cm. Je vais observer ma terre et regarder si elle nécessite de l'eau ou pas. Et toi, comment tu combats les insectes nuisibles ou les mauvaises plantes ? Alors moi, je suis en conversion biologique, donc l'an prochain, si tout va bien, nous serons certifiés agriculture biologique. Donc il y a une charte bio à respecter. Nous, on va un petit peu au-delà de cette charte et on vise un label qui s'appelle Nature et Progrès, qui est un label qui est plus vieux que le label bio, le label AB. Qui est beaucoup plus exigeant aussi en termes de label, et nous on vise donc ce label-là, Nature et Progrès. On n'utilise aucun produit chimique dans le jardin, des barrières mécaniques pour les insectes les plus nuisibles, on pourra voir tout à l'heure les canards coureurs indiens qu'on utilise aussi dans le jardin, pour lutter contre les limaces. Comme disait Nico, il faut savoir aussi jauger avec ces canards-là, puisqu'ils sont assez gourmands aussi en salade, donc il faut les intégrer au jardin avec parcimonie. Une chose simple, c'est que normalement un jardin avec une biodiversité équilibrée va se réguler tout seul et un nuisible normalement est censé avoir son prédateur. Donc si le jardin est en bonne santé, on va dire, le nuisible apparaîtra, mais son prédateur avec lui. Et la population sera normalement régulée. Et là-bas au loin, je vois des chevaux, ils sont à toi ? Oui, oui, oui, oui. Ah, ils sont à toi ? Oui. Je dis ça pour blaguer, mais en fait, ils sont vraiment à toi, d'accord. Oui, oui. Nous avons un cheval de Mérins, c'est un cheval ariégeois, comme vous pouvez voir sur la gauche. Une jument, c'est le français, et les deux poulains, voilà. D'accord. C'est juste pour le loisir, ils n'ont pas de... Bon. Bah, je te propose qu'on continue ? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors là, Franck, on arrive sur une partie de ton terrain où les choses deviennent moins claires. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ici ? Alors, avec mon épouse, on a décidé de planter des fruitiers. Et on a observé un peu ce qui se fait actuellement en maraîchage et notamment en grande culture. C'est un nouveau un concept qui s'appelle l'agroforesterie, ou comment intégrer en fait des arbres dans les systèmes de culture. Par la lecture, par les rencontres avec les maraîchers du coin, on a lancé un petit projet d'agroforesterie. Donc nous intégrons des arbres fruitiers dans les parcelles de maraîchage. Donc on construit des terrasses de culture à l'intérieur de lignes d'arbres orientées nord-sud. Et l'arbre en fait vient jouer un rôle protecteur, il amène aussi de l'humus par ses feuilles qui tombent au sol et par son rôle aussi de son rôle de racinaire et la vie microbiologique qu'il amène avec lui. Donc l'arbre, s'il est comment dirais-je, bien orienté, bien dirigé et bien contenu, peut amener une vie, une biodiversité et profiter en fait aux planches de culture qui seront pas loin. Voilà. D'accord, donc là pour le décrire à nos auditeurs, dans votre champ je vois des troncs d'arbres, des débuts d'arbres. Oui, tout à fait. Ouais, des plants d'arbres en rangée et autour, en fait finalement c'était pratiquement un champ. Là il est livré à lui-même pour l'instant, oui. C'est-à-dire qu'on a laissé en fait la vie se faire et pour petit à petit travailler sur une surface qui atteindra les 5000 m2. Là, on travaille actuellement sur 1200, 1300, 1400 m2. À terme, on peut voir que le jardin fera à peu près 5000 m2. Voilà. Donc ces arbres sont tout jeunes, ils ont un an. Un arbre, pour être productif, il lui faut au minimum 4 à 5 ans pour commencer à produire des fruits. Donc l'agriculture, c'est aussi ça, c'est la patience et la contemplation. Continuons. Bon alors pour nos auditeurs, hein, pardonnez nos jingles qui ne sont pas vraiment adaptés au milieu, mais bientôt nous créerons une émission, probablement l'heure la plus saine, avec peut-être vous dans ce projet, Nico, Franck. Donc nos auditeurs, on en parlera plus tard à nos auditeurs. Mais pour le moment, je me trouve face à des tubes qui ressemblent fortement à une serre. Oui, c'est ça. Mais par contre, sans le tissu dessus. on pourrait être caché, mais effectivement, ça, c'est une serre qui... Le plastique. Bon, la serre ne fait pas partie entière de notre projet. On a choisi la culture de plein champ, mais on a quand même intégré une serre qui nous servira à produire des plants en début de saison. La serre effectivement permet cela, c'est-à-dire de travailler plus tôt et plus tard dans la saison. Et comme nous avons choisi de produire nous-mêmes nos plants, cette serre nous servira à ça. Après, il se trouve que nous sommes dans les premières années d'installation, que le travail s'accumule et que nous n'avons pas fini de bâcher cette serre. C'est pour ça que tu peux voir qu'elle est toujours... On a juste les arceaux qui sont devant nous. Il manque effectivement le bâchage, qui sera fait normalement à l'automne, quoi. Donc tu as quasiment environ la moitié de ton champ qui est non productive. Tout à fait, oui. Ouais. Même si on ne le voit pas là, mais il y a une activité biologique intense, invisible à l'œil nu, mais ça travaille déjà, quoi. Alors Nico, est-ce que les principes de la permaculture sont respectés dans ce jardin ? Oui, mais en fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire que ce soit dans la partie cultivée ou dans la partie non cultivée, on voit un respect total du sol, ce qui est primordial, une couverture constante. J'ai vu qu'il y avait des problèmes d'altise en haut. Alors j'ai peut-être une petite astuce pour ceux qui ont des petits jardins, c'est de planter de la menthe à côté des choux. Pour faire partir les altises, c'est assez efficace. Moi, je l'ai testé l'année dernière. Ensuite, concernant cette partie-là, ben ouais, c'est une partie qui n'est pas encore cultivée. Partie en jachère, donc. Ouais, partie en jachère. Ça permet au sol de se régénérer. Ça permet aux insectes de faire leur travail tranquillement. Le sol n'est pas remué. Je parie que si on fait un trou, ça va être bourré de vers de terre. On pourrait le faire. Faisons-le. Oui, on va le faire. On va le faire. Et l'idée des arbres fruitiers pour créer aussi de l'ombre, ça aussi c'est intéressant. C'est intéressant et ça rentre pleinement dans le concept permaculturel. Et là on n'est même pas loin du concept de jardin-forêt. Je vais, chers auditeurs, je vais creuser un trou pour voir si ce que dit Nico est avéré. Chers auditeurs, Franck, pour creuser le trou, vient de ramener un instrument. De quel outil s'agit-il, Franck ? Vincent, c'est une grelinette, un outil inventé par un Français qui porte le nom de grelinette. En fait, il est conçu pour éviter de se faire mal au dos dans son, quand on l'utilise. En fait, il est muni de plusieurs, on va dire, pics. Ça va de 3, 4 ou 5 pics, de 2 manches en bois. Et ça fonctionne de cette manière-là. Je pense que les auditeurs ne pourront pas voir vraiment comment je l'utilise, mais sachez que les crocs se plantent dans la terre, on y monte dessus. Et avec son poids, ça permet d'en fait d'enfoncer les pics dans le sol. Et par le biais des deux manches, on a juste à soulever sans se faire mal au dos. Et hop, voilà, une grillinette. Et le résultat de cette excavation, chers auditeurs, nous allons l'avoir tout de suite. Ah, effectivement, il y a de la vie dans cette terre. On voit beaucoup de vers de terre. Franck, un commentaire ? Bah, je suis assez content, hein. Les vers sont là, ils sont au rendez-vous. Je vais s'appeler Jacob. Salut Jacob. Attends. Alors Nico, le pari est gagné. Dans cette terre où ne sont pas utilisés des insecticides et des pesticides, on voit une vie, donc beaucoup de vers de terre. Un commentaire ? Ben, la biologie du sol est respectée, c'est un sol vivant qui va permettre de récolter des fruits et des légumes sains. Donc ça ferait plaisir au couple bourguignon de voir un sol si riche. C'est ce vers quoi on doit aller si on veut vraiment que l'agriculture évolue, quoi, et arrêter de tuer nos sols. Chers auditeurs, nous allons voir les animaux de cette magnifique ferme. Écoute Vincent, nous arrivons devant une mare qu'on a construite en fait pour récupérer l'eau de pluie de la maison. L'eau est collectée du toit et vient se jeter enfin dans une mare qui est censée récupérer l'eau. Nous avons deux stagiaires dans cette mare, deux canards corindiens dont je parlais juste avant. Et ils sont pensionnaires de cette mare depuis peu puisque le jardin ayant repris une vie et une activité soutenue, ils sont malheureusement écartés puisque très gourmands en salade. Ils seront réincorporés, je pense, fin d'été pour la lutte contre la limace et l'escargot. Alors, on voit que la construction de cette mare a nécessité un gros travail. Quelle est l'utilité d'avoir un point d'eau dans un champ ? Ben, ça, déjà, ne serait-ce que par l'eau, on peut irriguer une surface en la stockant. Ça, c'est une richesse non négligeable. Puis l'eau amène aussi une diversité biologique. On va rapidement voir des grenouilles s'installer, sûrement des têtards, toute une vie biologique intéressante pour les animaux, pour le sol, c'est aussi l'utilité de cette mare. Ouais. D'accord, on continue ? Allez. Parce que, on peut avoir une surface, hein, en fait, une surface de terre, mais ce dont on ne se doute pas, c'est que la nature, elle reprend ses droits souvent, et il y a un entretien fréquent à avoir. Et pour les surfaces travaillées, moi j'ai dû faire appel à un tracteur et quand on vient de la ville, on sait pas forcément conduire un tracteur. Et surtout avec un dénivelé. Et voilà, ouais. Et il faut savoir que fréquents sont les accidents de paysans renversés ou tués par leur tracteur. Donc ça c'est aussi un savoir à acquérir et qui fait partie de la formation nécessaire. Le tracteur dans une pente c'est très dangereux, il faut le savoir. Ouais. Vos chers auditeurs, nous avons marché 5 minutes environ pour nous rendre dans un champ ouvert où l'on peut voir quoi, une trentaine de... 50 tu peux dire. 50 moutons ? 50. Ben, nous sommes là devant un petit troupeau, hein, de 50 brebis, si on compte les agneaux de l'année, les futures mamans et les mamans actuelles, on a 50 têtes à peu près. Ce sont des brebis basques, des manèges têtes noires. Elles ont en fait la tête noire, comme le nom l'indique, des cornes sur le dessus et un poil frisé assez long qui leur descend jusqu'en bas des pattes. Donc elle fuit quand on s'approche, hein. Ouais, la brebis est peureuse, hein, on peut le voir là. Et elles produisent du lait alors, ces brebis ? Alors oui, c'est une race laitière. Une manège tête noire produit en moyenne 1 litre de lait par jour. C'est moins qu'une brebis laitière, on va dire classique, mais elle produit un lait plus gras et donc plus intéressant pour la transformation laitière. C'est avec ces brebis-là qu'on fait l'ossoirati. Voilà. Nous en faisons, donc nous produisons du fromage avec mon épouse, de la tome des Pyrénées, avec cette manège tête noire. Alors, parmi ces brebis, on peut distinguer un bélier. Oui, Vincent, ben, nous avons un bélier pour, on va dire, une trentaine de brebis. Donc il a fort à faire à la saison de la lutte, qui va pas tarder d'ailleurs. C'est sur la fin de l'été, dès que les jours commencent à se raccourcir, que le bélier fait son office. Donc il va saillir brebis par brebis, et les agneaux, normalement, arriveront fin d'année, début d'année prochaine. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra, commencer la transformation. On sépare en fait les agneaux au bout d'un mois et demi, on les laisse avec les mères pendant un mois et demi, et puis on les sèvre au bout d'un mois et demi. Et en termes d'entretien, que représentent ces 50 brebis pour votre couple ? Il y a une tonte annuelle qui aura lieu dans 4 jours. Il y a un entretien des sabots, parce que les sabots poussent naturellement, les onglons, on appelle ça les onglons, il faut les entretenir, les couper, comme des ongles en fait. Ensuite, on a refusé d'utiliser la vaccination. On ne traite que s'il y a besoin, c'est-à-dire on marche avec, on fait des analyses de sel, on prélève la sel, on l'analyse, et après analyse, s'il y a nécessité de traiter, on traite. Alors que l'agriculture actuelle nous pousse à traiter, à vacciner d'office à date précise. On a refusé ce schéma-là, on ne traite que s'il y a besoin. Et on s'aperçoit qu'avec des prairies saines et équilibrées, le traitement en fait n'a pas lieu d'être à ce point-là. Alors Franck, ton champ est assez grand. Quelle est la surface nécessaire à chaque mouton ? Ben, on dit qu'un hectare est nécessaire pour 7 brebis. Voilà, en autonomie, c'est-à-dire pour avoir du foin et de l'herbe nécessaire pour un animal sur l'année, on parle d'un hectare pour 7 brebis. Alors Nico, toi les brebis... Un commentaire ? Alors ça peut être intéressant si vous connaissez un éleveur et que vous avez beaucoup de terrain et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout votre terrain, de prêter votre terrain à l'éleveur pour qu'il puisse installer quelques brebis qui vont servir de tondeuse écologique en fait. Okay. Les antispécistes apprécieront. Alors Franck, nous avons remonté le champ et nous nous trouvons maintenant en présence de 3 cochons noirs. Oui, ce sont des cochons gascons, des cochons noirs. Nous avons ici 2 truies, qui sont en fait 2 sœurs, et un mâle qu'on appelle Vera, qui est le mâle reproducteur. Donc en fait, ils nous servent à écouler le petit lait. Le petit lait, c'est la résultante de la transformation laitière. En fait, quand on fait du fromage, on récupère du petit lait, et c'est une forme de pollution, le petit lait. Il faut trouver en fait une façon de l'écouler. Le cochon est parfait dans ce rôle-là. En fait, il ingère le petit lait, le digère, et le restitue, et nous permet d'éviter la construction d'une fosse qui nous coûterait plus d'argent. Donc les cochons sont là, et puis on a une ou deux portées de porcelet à l'année, qui nous permet aussi de dégager un petit revenu pas négligeable. Les cochons gascons en fait sont des cochons noirs, très amateurs d'herbes, et on les nourrit principalement donc, avec les déchets de la cuisine et un petit peu de farine de son de blé, donc assez économe le cochon gascon. D'accord, et en termes d'entretien, ça demande beaucoup de travail ou... Non, du tout, ils ont un abri dans la forêt, à part l'alimentation quotidienne... Il n'y a pas plus de, comment dirais-je, de précautions à prendre. Et leur surface de vie est quand même assez, assez importante, hein, puisque là ils peuvent partir sur le champ. Tout à fait, ouais. Mais ils ne le font pas. En fait, tout le champ est clôturé électriquement, donc ils sont assez réticents à l'électricité, donc ils savent rester dans leur enclos. Ouais. Ce qui est nécessaire pour le cochon, c'est de renouveler en fait son espace, puisque les excréments de cochon sont difficilement en fait ils sont très polluants, et il est intéressant en fait de renouveler les parcelles assez fréquemment pour éviter une pollution. C'est le problème que les éleveurs bretons ont eu du fait de la quantité de cochons sur une exploitation. En fait, ils ont eu des soucis de pollution de nappes phréatiques dues à la concentration excessive des cochons, qui a pollué les cours d'eau, les nappes phréatiques, et on appelle ça l'eutrophisation, et qui a créé en fait des algues à la fin du cycle dans les mers. Chers auditeurs, eh bien, c'est donc dans cet enclos à cochons que nous allons conclure cette émission. Alors Franck, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un dernier mot pour nos auditeurs? Vincent, moi j'étais ravi de te recevoir. Ça fait plaisir de recevoir des camarades à la maison. Et puis moi j'ai une idée qui traîne au fond de ma tête depuis un petit moment. Moi je pense que comme on a vécu un exode rural, on vivra, je pense, dans les années qui arrivent, un exode urbain, et les gens quitteront la ville, et je les invite grandement à le faire, à la vue du bonheur qu'on peut en retirer. Voilà, n'hésitez pas, franchissez le pas, et vous verrez, vous n'en serez pas déçus. Eh bien écoute, quand on voit ta ferme, on comprend que tu puisses être heureux, Franck, et merci beaucoup pour nous avoir invités ici aujourd'hui. Et Nico, je me tourne vers toi. Merci d'avoir participé toi aussi à cette émission. On espère voir tes dessins bientôt, encore une fois, dans les dessins de la semaine. Ben écoute, tant qu'on me laisse ma liberté d'expression, c'est-à-dire pour pas, peut-être pas encore beaucoup de temps, mais avec plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir. L'endroit est magnifique, donc ça fait toujours plaisir de s'y promener. Et puis voilà, j'espère aussi qu'on va encourager des camarades à poursuivre le même chemin que nous et à repeupler, on va dire, les régions abandonnées de la France. Et à se libérer des villes. Oui, à se libérer des villes, une sorte de remigration, en fait, des populations vers la campagne, vers les montagnes. Et voilà, que ces endroits-là ne méritent pas de qu'on les laisse mourir comme c'est le cas actuellement. Donc c'est à nous de nous les accaparer, de tout reconstruire, puisqu'il y a tout à refaire. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Chers auditeurs, vous pouvez commenter cette émission sur le site d'Égalité et Réconciliation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Xavier pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de L'heure la plus sombre. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Franck De Weer. Son album Mes Semblables est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Dans le tumulte. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Dans le tumulte, je laisse s'échapper des cortèges d'insultes. Dans le tumulte, ou en périphérie, je m'essaie à des jeux adultes. Dans le tumulte, j'ai osé profaner les objets du culte. Et je lis vous à tous les saints, je lis tu à des zeppelins. Et je me dévoue à tous les saints. Où ça? Je fais le siège remontant les catapultes. Dans le tumulte, je me suis fendu du domaine de la lutte. Dans le tumulte, j'ai osé profaner les objets du culte.